Soit. Pour que la théorie tienne debout, je vais vraiment avoir besoin d'une explication. Pourquoi la victime Tiphaine Murmure est-elle morte à la place de Sarah Raison?